Allô? Ouais, Boulette. Ouais, pétasse. Bah, putain, enfin. Ouais, ah, je suis désolé, franchement. Je suis à deux stations, là. Je viens de prendre le RER. C'est cool, t'inquiète, j'arrive. Bah, qu'est-ce que tu fous, là? Vas-y, je t'attends. Vas-y, je viens de te dire, là. Il a des problèmes, ce connard de heure de merde, là. 15h18, Ménilmontant. Ouais, t'inquiète. 3 bonnes minutes que je t'attends. Ouais, c'est bon, t'inquiète, j'arrive. C'était car pas autrement. Ouais, je sais. Je t'ai dit que je t'attendrais pas longtemps, longtemps. T'es arrivé à 15h20, je suis énervé, j'ai déjà pris le train. T'as préféré le métro 1, celui qui déconne, t'es pas malin. Excuse-moi, gros fouche, moi je suis désolé. J'arrive dans 2 secondes. T'es un vaurien. Des stress, putain. Fallait pas courir contre ta montre, tu t'es fait plaisir, je te le démontre. Quelle heure t'étais pour tes aiguilles, ça y est, tu kiffes, t'es à l'heure pile. Faudrait pas me la faire à l'envers, si t'es à l'heure, c'est que tu préfères te dire que moi, fera pas de reproche comme si t'avais fait un crime. C'est moche, c'est moche. Je te fous de ma gueule en plus, mais vas-y, t'as intérêt d'avoir une bonne excuse parce que sérieux, je vénère là. Je suis rendez-vous manqué, j'ai sûrement pas pressé le pas. Alors prévu, j'ai décollé de chez moi. Excuse-moi, je t'appelle quand je suis là. Va faire un tour au lieu d'attendre dans le froid. Vigile, Beaubourg, et tu te cultiveras. Et c'est grâce à moi. Putain de branleur. 6h30, je suis déchiré. Comme d'hab. Depuis minuit, j'ai trop forcé. Bah, ça change pas. Mon pote Yanni, j'ai oublié. Putain, point rouge, point rouge. Qui veut qu'on se capte dans la journée? Journée. Ouais, connard, mais toi. J'ai rendez-vous à Ménilmontant à 15h15, c'est pas évident. J'suis trop rebou, j'y serai pas à temps. Surtout si j'dois voir le médecin avant. Vas-y, j't'attends, la mine-toi, putain. J'aurai pas le temps. Rico, vieux bourrico, tu m'as pris pour une de tes go. Avec toi c'est toujours la même histoire. J'aurais pu t'attendre jusqu'à ce soir. Devant le McDo, je m'as laissé crever. T'es vraiment qu'un bel enfoiré. La prochaine fois t'es plan foireux. Tu peux te les carrer où tu veux. Mais tu sais quoi, je crois que tu vas m'attendre. T'es allé. Ah bon, vas-y plante la tente parce que je vais arriver demain vers la fin de soirée. Tactique. J't'attends mon gars, alors prévu, juste avec t'y serais pas. Excuse-moi parce que moi je m'en bats. T'es à l'amour en plus d'être mauvaise foi. Franchement t'es lourd et j'crois que tu changeras pas. Et c'est tant pis pour toi.